I'm pain, pain, pain. It's pain. Alive! Pratiques de médecins qui expérimentent ne sont pas garantes de succès. En fait, il y a passablement plus d'échecs que de réussites, puisqu'expérimentales. Et en même temps, je dois avouer que les échecs peuvent très souvent se traduire par des réussites. Par exemple, lors d'une tentative de greffe du cerveau que j'ai eu à faire, de façon plus ou moins légale, je devais redonner l'usage des cinq sens à un pauvre homme qui, ayant subi un triste accident, se voyait privé de ceux-ci. Effectivement, cela n'a pas tout à fait fonctionné. Il aura retrouvé la vue, l'ouïe, le toucher et le goût, mais pas l'odorat. En contrepartie, lui qui était accablé de violentes diarrhées, eh bien, il ne l'est plus. En bout de ligne, j'appelle ça un franc succès, puisqu'il aurait pu retrouver son odorat, mais ne pas être guéri de ses diarrhées. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous annonce que l'opération ne s'est pas tout à fait passée comme prévu, mais que ça pouvait être bien pire. Elle aurait pu être pratiquée sur vous. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go.

Wow! Un véritable petit bijou dans le genre. Tigers of Pantang et l'excellente Killers qui est tirée de leur premier album Wildcat qui est paru le 23 août 1980. Ce bloc était dédié en entier à des albums qui sont parus en 1980 et qui ont 37 ans cette année. Tigers of Pantang, c'est pour moi cet album là, par-dessus tout Wildcat, le premier, vraiment extraordinaire de la formation. Aujourd'hui, il ne reste que Rob Weir, le guitariste, qui est là depuis 1978, qui a pris une certaine pause entre 83 et 99, mais qui est toujours là. Je l'ai dit lors d'une dernière diffusion de Tigers of Pantang, le dernier album est pitoyable. Justement, nous avions... ce sont tous des groupes issus de la New Wave of British Heavy Metal, tels que Motorhead, juste avant avec, l'incontournable et certainement facilement identifiable Ace of Spades, pièce titre de cet album paru un 8 novembre 1980. C'est le quatrième de la formation sous étiquette Bronze. Judas Priest... tiré de British Steel, ce sixième album studio paru le 14 avril 80, la pièce étant Rapid Fire, c'était sous étiquette Columbia, très bon album de Priest, et nous avons ouvert avec la formation originale de ceux qui ne sont vraiment plus à présenter aujourd'hui, un méga groupe dans le monde du métal, soit Iron Maiden, probablement une de mes préférées, Phantom of the Opera, qui est tiré du premier album Iron Maiden, qui est paru le 14 avril également sous étiquette EMI. Ce soir, j'ai beaucoup de... j'ai pas mal de nouveautés à vous proposer. Et quelques petits blocs plus conventionnels. Une petite chronique cinéma pour vous aussi. Mais avant de poursuivre, allons en pause publicitaire. Les 18 et 24 février ainsi que le 4 mars prochain se déroulera la 11e édition des Nuits polaires de Trois-Rivières. Ne manquez pas Moose's Heart, Corias, Coca, composé de Karim Ouellet et Kenya Bid, ainsi que plusieurs autres artistes. Pour toute la programmation, visitez nuitspolaires.ca. La 11e édition des Nuits polaires, une collaboration de la Corporation des événements de Trois-Rivières, la SDC Centre-Ville, la Maison de débauche et Cifou 89.1 FM. C'est la 20e édition du plus grand concours de band live entre Montréal et Québec. Les Mardis de la Relève sont de retour. Inscrivez-vous dès maintenant. Vous avez jusqu'au 25 février 2017 pour déposer vos candidatures. Les formulaires d'inscription sont disponibles au Gambrinus et sur le gambrinus.qc.ca. Une présentation du Gambrinus, du Festivois et de Cifou 89 FM. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album Incandescence d'un avenir incertain ou bien Pleine lune d'automne, volume 3. On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle Olinéa, puis c'est disponible partout. L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan honnête, vraiment honnête. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 21 février de l'an de Disgrâce 2017. Je suis le Dr. Pin Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Oui, des nouveautés et je dirais que j'ai recalculé le tout pendant cette délicieuse pause publicitaire et je n'aurai peut-être pas le temps de tout passer finalement, mais à que cela ne tienne, je vais essayer de passer l'essentiel. On va y aller tout de suite avec un bloc qui, je dirais, est à tendance trash metal, groove death par moment. Une rue mélange. Vous débutez tout de suite avec une formation qui vient de Oslo, en Norvège, qui porte le nom de Sarke. Je me suis rendu compte que j'en passe peut-être pas suffisamment souvent de cette formation Sarke, dont le nom est tiré du simplement le nom du le membre principal ou leader du groupe, si vous préférez. Une formation qui donne dans un black trash metal et qui en est à son quatrième album avec Bulgeford, qui est paru en 2016. On va voir aussi du Legion of the Damned, du Decapitated et une petite surprise après Sarke. Allons-y tout de suite. Let's go! Blood, red ground, nature. Well, la formation Decapitated et la pièce Nest tirée de la plus récente parution, soit Blood Mantra, qui était le sixième album studio de la formation polonaise, paru en 2014 sur Nuclear Blast. C'est un très, très bon album pour les amateurs du genre. Juste auparavant, nous avions la formation Legion of the Damned des Pays-Bas et la pièce House of Possession, pièce qui est tirée de Cult of the Damned de 2008. Ce qu'il faut savoir avec Legion of the Damned, c'est qu'ils fonctionnent sur ce nom depuis 2005. Avant, ils étaient sous le nom de Occult. Cult of the Damned est paru en 2008, comme je l'ai dit, sur Massacre Records. Et Slayer, oui, les inimitables et incontournables Slayer, formation américaine, et la pièce You Against You, qui est tirée de l'album Repentless, leur dernière parution également, parue en 2015 sur Nuclear Blast. Ils ont changé d'étiquette parce qu'ils ont toujours été sur American Recording, Def Jam Records, ainsi de suite. Donc, c'est tout nouveau pour eux. Ben, tout nouveau. Il y a quand même 2 ans ou à peu près, 1 an et demi, disons. Changement d'étiquette pour Slayer, et nous ouvert avec Sarké, la formation norvégienne qui tire son nom, comme je le disais, en ouverture de bloc, par le nom de ce musicien principal, instigateur de la formation. La pièce est en Blood of Men, qui est tirée de leur 4e parution, Botchford, qui est paru en 2016 de façon indépendante. On va aller en pause publicitaire. Par la suite parler de la première présentation de la soirée. Donc, on se revoit dans un peu plus de 2 minutes. Vous êtes assez fou. 89.1. L'Omnium du Rock Mise au jeu est de retour en région cette semaine avec les 4 groupes qui vont disputer la première place de la finale trifluviale de la plus importante compétition de band au Québec. Ne manquez pas le Party Rock de l'année le samedi 25 février au Nord-Ouest Café dès 20h30. Visitez omniumdurock.tv pour voir la programmation complète. L'Omnium du Rock Mise au jeu, une présentation de C'est Fou en collaboration avec Logan McQuaid et le studio Sismic. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct, c'est Essaye Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Mets ça le volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant, en CD, en vinyle, puis en ligne. Ouais, ben, je suis désolé pour ce moment d'attente, mais j'ai un grave problème informatique ici qui va m'obliger à improviser. Tout a craché. Bon, peu importe. Je vous parle de la première nouveauté de la soirée et potentiellement la dernière. Formation polonaise Dope Lord, qui donne dans un stoner doom metal. C'est, pour moi, c'était un peu, je dirais, ben, pas inattendu, mais un peu surprenant d'avoir une formation polonaise qui donne dans un doom, mais à tendance stoner. Bref, c'est une formation que j'ai découverte grâce à Sinistros, qui en a fait une certaine critique, ma foi, fort intéressante sur son blog hurlemort.com. Et ça a piqué ma curiosité, donc je me suis empressé d'écouter ce Dope Lord, l'album étant Children of Haze, qui est paru le 16 janvier dernier. Formation qui existe en passant depuis 2010. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et je dois dire honnêtement que d'écouter Dope Lord m'a redonné une certaine, un certain engouement envers ce genre qui est du type Doom, que j'avais légèrement, passablement délaissé, ou en fait, auquel je portais moins d'intérêt. Ça m'a permis de pouvoir redécouvrir certains trucs que j'avais justement mis de côté et que je trouve que je trouve encore aujourd'hui intéressant. Bref, je vous propose d'aller écouter une pièce qui est tirée de ce Children of Haze, soit Scum Priest. Let's go! Dope Lord. Excellent. Vraiment excellent. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est excellent. Peut-être pas vous autres, mais ça me dérange pas vraiment. Formation qui existe, une formation de Pologne, de Lublin. En fait, Lublin ou Lublin, je suis pas trop certain. Qui existe depuis 2010, qui donne, comme vous avez probablement pu vous en rendre compte, dans un stoner doom metal, dont les principales thématiques sont l'horreur et l'occultisme, ainsi que les drogues. C'est un quatuor. Vous avez entendu le vocal de Pavel Miodoshowski, qui est aussi le guitariste. C'est la voix la plus caustique des deux, puisque le bassiste et vocaliste Piotr Zinn, tant qu'à lui, a une voix qui est beaucoup plus, je dirais... comment qu'on pourrait dire... Normale? Peut-être mélodieuse quelque peu, j'irai pas jusque-là, non, mais bon, une voix en bon français, clean, voilà. C'était leur deuxième parution, Children of Haze, qui est paru le 16 janvier dernier sur Green Plate Records, que je ne connais pas du tout comme étiquette, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ben merci Sinistros d'avoir permis de connaître cette formation que je vais certainement, mais plus que certainement, repasser à réanimation. Côté musical encore dans les nouveautés, ben je suis allé écouter le premier single qui est disponible de la formation Six Feet Under, qui apparaîtra sur Torment, qui sera disponible le 24 février prochain. Formation qui donne dans un Dead Groove Metal. Ce sera le 16e album de Chris Barnes et Six Feet Under. Bien sûr, il faut dire Chris Barnes et Six Feet Under parce que c'est Chris Barnes et Six Feet Under. Il est le seul qui est membre original de la formation. Ben, ce single ou cette première parution de Separation of Flesh from Bone ne m'a pas tellement impressionné. En fait, je ne l'ai même pas aimé. Donc, je suis curieux d'attendre l'album pour voir la suite parce que, bah, j'aime bien généralement ce que c'est qui fait dans deux fonds. Mais ça ici, là, cette pièce-là, j'espère qu'elle est pas, comment je pourrais dire, qu'elle est pas significative du reste de l'album parce que je vais probablement pas vraiment l'aimer. Autre truc qu'on va écouter dans quelques instants, ben, c'est les nouvelles parutions qui est en advance en ce qui me concerne de Immolation. Mais je vais vous faire une petite chronique cinéma qui est relativement courte cette semaine, puisque j'ai pas vraiment eu le temps d'écouter grand-chose. Ben, je vous parle de celui des deux films que j'ai écouté qui a été pour moi peut-être le moins emballant, mais quand même été une bonne écoute. C'est... le film Aliad ou Allié, qui met en vedette Brad Pitt et Marianne Cotillard. C'est un film de Robert Zemeckis et qui raconte en 1942 l'histoire de l'agent Max Vatan, qui est un Canadien dans les faits, ontarien, et qui doit se rendre à Casablanca pour rencontrer une résistante française du nom de Marianne Beauséjour. Et doit faire équipe avec elle pour une mission à très haut risque. Et cette relation les amène dans une relation qui est dite plus sentimentale jusqu'au mariage. Pour que cet agent, Max Vatan, apprenne par les services secrets britanniques que sa nouvelle épouse est nulle autre qu'une agente double des nazis. Bref, il y a 72 heures pour découvrir la véritable identité et le cas échéant devoir l'éliminer. Ben, vous comprendrez que c'est pas nécessairement le choix qu'il décide de faire. Bref, c'est un film qui n'a pas... Ben, en fait, il y a pratiquement pas d'action, mis à part peut-être dans une séquence dans la première demi-heure. C'est un film qui est très axé sur le psychologique et sur le comportement d'espion envers espion. Ben, comme toujours, Brad Pitt est vraiment un très bon acteur, faut le dire. Marion Cotillard, je la connaissais pas vraiment, c'est une actrice française. Ben, je trouve qu'elle s'est bien débrouillée dans son rôle de Marianne Beauséjour. C'est un film, comme je l'ai dit, qui est très... Ouais. Très psychologique, très axé sur... l'échange de dialogue qui, en même temps, n'est pas excessivement poussé. Donc, c'est... C'est très particulier. J'ai trouvé que c'était bien. Mais est-ce que j'aurais envie de le réécouter? C'est une bonne question, honnêtement. Bref, les images au niveau graphique pictural, c'est très bien. C'est bien fait comme film, mais ça me manquait peut-être un peu de mouvement à mon goût. Par contre, ce que j'ai vu aussi est un film je dirais envers lequel j'avais pas énormément d'attente. J'en avais pas aucune. Parce que je me suis dit, ben je ne connais pas le personnage. Mis à part de nom. Les dernières productions de ce genre-là m'ont plus ou moins emballé. Je parle de Doctor Strange, qui est un film de science-fiction et d'action, bien sûr, qui est une signature Marvel. Pardon, qui met en vedette Benedict Cumberbatch. Un film de Scott Derrickson, eh bien, Doctor Strange, qui raconte l'histoire de ce talentueux neurologiste qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre complètement tout ce qui est son ego et son talent de côté pour réapprendre tranquillement à reprendre l'usage de ses mains. Mais on lui révèle l'existence d'un monde caché, d'une espèce de secte mystique dans une dimension alternative, si vous le voulez, qui permettrait de pouvoir guérir les pires maladies et maux physiques existants sur Terre. Donc, il se rend là pour, finalement, de peine et de misère, être accepté et suivre une forme d'enseignement qui le mènera à avoir, à pousser son psychique à un état très élevé pour lui permettre d'avoir certains pouvoirs, de maîtriser certains pouvoirs et de combattre une faction qui, elle, désire s'approprier certaines reliques et cette science pour pouvoir, soi-disant, sauver l'humanité alors que c'est pour l'assouvir. Eh bien, dans un premier temps, Benedict Cumberbatch, qui n'est pas pour moi un acteur, je dirais, de premier choix, en ce qui me concerne, non pas au niveau de ses capacités, mais de premier choix en ce qui me concerne, que j'avais bien aimé dans le film The Imitation Game, est absolument formidable dans Doctor Strange. Et je dois dire que le film Doctor Strange est vraiment très bon. C'est un très bon film de Marvel. C'est un personnage, en ce qui me concerne, que je découvrais. Il existe même depuis 1963. En fait, première apparition a été en 1963. C'est vraiment un très bon film. C'est vraiment excessivement bien amené. C'est original. Graphiquement, c'est impeccable. Le jeu des personnages est vraiment très bien aussi. Et ça nous rafraîchit beaucoup avec plusieurs productions de super-héros. Ça nous mène dans une dimension qui est différente, qui a été plus ou moins exploitée, je dois dire. Et c'est très rafraîchissant. Et chose intéressante, lorsque Stan Lee l'a présenté à l'époque dans ses premiers comic books dans les années 60, il avoue avoir été énormément inspiré de Vincent Price pour créer le personnage de Doctor Strange. Donc c'est pour cela que le Doctor Strange porte le nom de Stephen Vincent Strange. Bref, je vous le recommande énormément. C'est un très bon film. Dans ce que j'aurai à vous présenter d'ici la fin d'émission, à l'instant, je vais vous parler d'une formation que j'affectionne particulièrement du milieu du death metal. C'est les vétérans de la formation Immolation. Je dis vétérans, non pas au niveau de leur quantité en albums, puisque ce n'est que leur 10e depuis, mais je parle plutôt de nombre d'années d'existence et de persévérance, pour ainsi dire. Immolation, formation death metal américaine, qui est très particulière, contrairement à plusieurs formations, et ça depuis un certain nombre d'albums. Ce n'est pas un groupe qui va opter vers les blast beats, mais vers l'ambiance lourde, mécanique, je dirais par moments quasi suffocante. C'est une excellente formation. Ici, avec le prochain album à venir que je vous présente en advance, finalement, Atonement, qui est à sortir ce vendredi, soit le 24, soit dit en passant, autant en format CD que vinyle, j'ai redécouvert encore une fois les capacités et l'originalité de cette formation Immolation. Je vous propose à l'instant d'aller en écouter trois pièces qui sont tirés de ce très bon album, Atonement, qui est à paraître, comme je le disais, ce vendredi. Molition, let's go. We'll be right back. 89.1. L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan honnête, vraiment honnête. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. La programmation des spectacles de la Shop du Trou du Diable est arrivée. Ne manquez pas Duchess Says, Violence et Technical Kidman le 24 février prochain au Salon Webasso de la Shop du Trou du Diable. Pour tout savoir sur la programmation de février, rendez-vous dans la section événements du site troududiable.com. Prenez-vous le geek comme un compliment. Le Mathieu Plante Show vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier la rubrique Jeux vidéo d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tous les mercredis de 15h à 17h. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. h 28, et avant la pause publicitaire, j'ai eu le grand plaisir de vous présenter trois pièces de ce nouvel album à venir dans quelques jours. Demolition, soit Atonement, leur 10e formation qui a vu le jour en 1988 sous le nom Demolition, puisque de 86 à 98, ils existaient avec le nom de Rigor Mortis, mais pas ceux que vous pensez, une formation qui n'aurait eu que des démos. Ce 10e album, Atonement, est vraiment très peu décevant. Mon préféré jusqu'à présent était pas mal... mon préféré, ça... Oui, je crois que mon préféré était Majesty and Decay. Et celui-ci se bat beaucoup pour atteindre facilement la même position que Majesty and Decay en ce qui concerne mes appréciations au niveau des Demolition. Atonement est vraiment un très bon album. Vous avez entendu trois extraits et vous pouvez vous dire que c'est pas mal dans cette ambiance-là, une ambiance assez puissante et lourde. Bref, on a entendu avant la pause The Power of Gods. C'était précédé de la pièce Atonement, la pièce titre. Et nous avons ouvert avec When the Jackals Come. Bref, sous étiquette Nuclear Blast, ils doivent être très fiers de présenter ce nouvel album parce qu'il est vraiment excellent. Très, très, très bon. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Ah, ben oui, toi, t'as dit quelque chose à dire, Horace, toi. Ben oui, c'est vrai. Ben, merci de me le rappeler. En rage, j'allais oublier. Le 7 mars prochain, c'est-à-dire dans deux émissions de réanimation, je ferai ma 750e émission. Donc, j'ai pas encore trouvé vraiment quelque chose de thématique à faire, mais je vais trouver arriver avec quelque chose qui pourra souligner cette 750e parution du Undead Incorporated Show ici même sur les ondes de C'est fou. Je vous parle d'une deuxième présentation de nouveauté. Il s'agit de la formation Death Metal Sinister, formation des Pays-Bas. Et l'album Syncretism, qui est leur 13e, qui paraîtra également ce vendredi, soit le 24 février. Je dis le vendredi, c'est-tu ça? C'est-tu bien vendredi? Ben oui, c'est ça. Syncretism, c'est un album qui est paru sur l'étiquette Massacre Records. Et comme je le disais, qui se veut leur 13e album studio, bien entendu, complet. Sinister, c'est une formation que j'apprécie beaucoup aussi. Que je dois dire généralement que c'est pas quelque chose de très original, mais c'est quelque chose d'efficace. Et honnêtement, faute d'originalité, souvent, faut se rabattre sur l'efficacité. Et c'est ce que je fais avec Sinister. Et ils ne m'ont pas vraiment déçu jusqu'à présent. Quoique je dois dire que ce nouvel album, Syncretism, ce n'est pas mon meilleur. Ce n'est pas celui que je préfère de Sinister. Actuellement, si je le compare à celui que j'ai vraiment beaucoup aimé de 2010 sur Legacy of Ashes, il est un petit peu moins percutant et peut-être un petit peu moins recherché. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bon album. Je vous propose d'aller en écouter deux pièces immédiatement qui sont tirées de ce 13e album studio, soit la pièce Blood Soaked Domain ainsi que Rite of the Blood Eagle. Sinister, let's go! We'll be right back. La formation des Pays-Bas, Sinister, les deux extraits de leur parution à venir ce vendredi le 24, soit Syncretism, sous étiquette Massacre Records. On vient d'entendre Rite of the Blood Eagle, et c'était, ça c'est la septième pièce, et c'était précédé et ouvert par la troisième de l'album Blood Soaked Domain. Ben, c'est un bon album, c'est dans le genre death metal, si vous aimez ce style, c'est bien, mais personnellement, ce n'est pas mon meilleur de la discographie de Sinister. En fait, je lui ai préféré grandement Immolation. Mais quoi qu'il en soit, tous les goûts sont de la nature. C'est juste que moi, je suis légèrement dénaturé et que vous n'avez aucun goût. Ceci étant dit, je vous rappelle que ce vendredi, justement, 24 février, ici à C'est fou, à l'émission Rock Classique pour les vrais, véritables amateurs de vrai rock, les vrais amateurs de vrai rock. Eh bien, c'est la première partie du spécial progressif, c'est-à-dire que le top 50 du Rockmaster va vous être révélé au cours de ces 6 heures d'émission, ou à peu près consacrées aux 6 heures au rock progressif. Donc, Alain vous présentera quel est son top 50 de la musique progressive d'hier à aujourd'hui. Bien sûr, je ferai la deuxième section le 3 mars, si je ne m'abuse. Bref, si vous voulez avoir une idée de ce qu'Alain va vous présenter ce vendredi, je vous en donne à l'instant un extrait. Ça va être 6 heures de ça. Ça risque d'être vraiment bon. Non, j'espère que ce ne sera pas ça. Définitivement, ce ne sera pas ça. Donc, ce vendredi dès 11h, rock classique pour les véritables. Mais pourquoi je dis véritables? C'est les vrais amateurs de vrai rock dès 11h. Ici même, c'est fou. Première partie du spécial progressif avec le Rockmaster Alain Lefebvre. Aussi, si vous êtes amateur de métal, parce que comme j'ai dit toutes les semaines, si vous êtes amateur de métal et vous êtes à réanimation, c'est clair que vous êtes amateur de métal. Donc, si vous avez besoin d'une autre dose de métal, outre les podcasts de réanimation que vous pouvez retrouver sur réanimationad.com, ben, je vous invite à aller écouter l'émission Subversion de notre ami DJ Tower of Death tous les vendredis de 18h30 sur les ondes d'Underground Québec, que vous pouvez retrouver en podcast aussi sur SoundCloud. Et si vous aimez lire les appréciations et articles de diverses choses, principalement artistiques, bien entendu, au niveau du métal, énormément, le cinéma, séries télévisées et autres styles connexes au métal, je vous invite à aller voir le blog de mon ami Sinistros au hurlemort.com. Tant qu'à moi, la semaine prochaine, c'est la dernière émission du mois, donc je vous ferai la présentation de l'album marquant qui, ce mois-ci, s'adressera à Entombed et l'album Uprising qui est paru en 2000. J'aurai aussi la présentation d'une nouveauté, Embrace of Silence, une autre formation qui donne dans le doom metal, l'album Where Darkness Swallows the Sun, ainsi qu'un spécial, un gros spécial Septic Flesh. Bref, je survolerai la quasi-totalité de la discographie de Septic Flesh, mis à part possiblement un ou deux albums qui sont, selon moi, assez moyens. Mais bon, vous pourrez voir l'évolution de cette formation qui aujourd'hui est grandiose. On va l'écouter une formation que j'aime énormément, qui est ma formation préférée en métal. Il s'agit de Morbid Angel et l'excellente To the Victor, The Spoil. Let's go! Quelle excellente pièce. Morbid Angel to the Victor, the Spoils, qu'on retrouve sur Gateway to Annihilation, qui est paru en 2000 sur E-Rake. Il va nous laisser moins de temps que prévu pour compléter tout ce bloc, mais quand même, il nous reste une belle petite pièce à diffuser. Je vous rappelle qu'à 21h, c'est Matière Noire qui rentrera en onde ici, sur les ondes de 89.1 FM. C'est fou. Locke et ses acolytes, dont je ne sais pas le nombre ce soir, mais seront présents pour vous distraire. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, moi, je vous propose l'album marquant du mois de février, Entombed Uprising, album de 2000. Une présentation de nouveautés, soit Embrace of Silence, ainsi qu'un gros spécial Septic Flesh. Et je vous rappelle encore une fois que ce vendredi dès 11h, c'est rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, et c'est la première partie du spécial progressif. Le top 50 du Rockmaster sera dévoilé sur les ondes à cette émission, ainsi que ce sera suivi la semaine prochaine par mon top 50. Je vous rappelle encore une fois, parce que je sais que vous n'avez pas de mémoire, même si ça fait seulement 4 minutes que je l'ai dit, que si vous aimez le métal aussi, vous pouvez aller écouter les podcasts de réanimation sur réanimationad.com, ainsi que l'émission Subversion de notre ami DJ Tower of Death, tous les vendredis 18h30 sur Underground Québec. Je vous laisse avec une dernière pièce de la formation Cannibal Corpse, pièce tirée de leur 10e album Kill, paru en 2006 sur Metal Blade, soit Murder and Murder Worship. D'ici la semaine prochaine, eh bien, bien entendu, allez tous vous faire foutre. C'est KO. Muscle in the spirit, just as far as gaze. His congregation waiting, was summoned in here by doing his thing. Now he was less circumdefeated. Tears rain through the temple red, our best servant for us dead. But the scream of these old laws, but the paradise awaits us all. But it was here.